En amour, celui qui guérit le premier est toujours le mieux guéri. Petit frère propre à Kando Mamadou. Aho komyo lekisa et pourtant la notice a médicament ya kolingo. La dose prescrite. Au mari qui boit, Avoyo Boyangaye. Olivier Bouma, Avoyo Tikangaya Mamelo. Au son de Malonga, mon pépé. Priva au Kula Tsongo. A aussi mis acte de décès. David Akwango. Nathan Gonzote Kotaka Rokono. Kasi médecin ya ko sauvé yo. Ya Mathieu Ubanza. En cas de panne à voiture, fin. Ya Titi. Essaye kasi mécanicien pour abongisa. Kasi pona karanga di fin ya molo di kinye. Pona kananga esose kasi. Danger de mort, yo tombe n'inga lilita na cimetière. Chambre n'anga ya rectangle, fini qui ango couvercle. Na kata chambre ango na kozala aveugle to soumiwe. Vision n'anga ya komi n'ango limité. C'est Morlinde, Magali Boumbeni, Amatala Cynthia, Betty Couture. Champagne, mon maman, ake, naye. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ape si bolingo bile, Afrika, batiki, mon andenge, naye. Yango, mon balata, sangimbo, mon makasi, nan loke, tue, chala. Mon angumba, mon pan, bisika, basso, nime, batami. Mon andengo, mbinga, yon, salinga, yon, Florent, Vital, j'ai mal partout. Yeah, yeah, maman, rive, maman, belo. Maman Babette, donc Kouti. Bolingo yakana ngofele na mokili ya na klenyemse. Maman moudi batiango na contretemps. Bobalia kadisonete. Régis Brigé. Rekoso nini yosi poto kabola meto dango. Sire kobilia verte rosin. Poto kabola sekele. Yema kosa na mabene bikela mwanza metumbo esa makasie. Hey, ya elo chakwa la kabola. Estelle Larissa. Ah, kina karmele bolingo etiki ntoto. Simple. bolingo lokola bébé. Soki yo songi te zote kokota boko perso na nga rufe ya mabelo papa tala ni moko mi fomola porte ya ba douleur na kata motema na nga ndeke o apunga kip na dizera komi kutu yeah. Mama jeos vila sir o kanza nkuka vizenga ili ota bolingo na ya ekote linga na soto eko misinga neti mwana moke koto na samole ya kalibele ya mama nifena kani na soto linga na monde la ye seza hey mère boulou belvia maman na mesila Dixon papa na rege Jusse Amunga, Picho Amunga, il est Kamara l'homme. Lewis Mangasa, moi n'en pilaki. Eric Bombe, Joujoule, Maman Akefan. Et la petite reine King a toujours un système. Chikaya Rose, Nadia Gamba. Léa Adwa, Brice Adwa. La marraine Lintai Adé. Bichou Balé Balé, Priska Okema, Melissa Okema.